illégal, illégal, illégalité, illégalité, illettré, illettré, illicite, illicite, illico, illico, illimité, illimité, illumine, illumine, illustra, illustra, illustre, illustre, illustre, illustre, illo, hello, illo, hello. Avril, avrel, babil, babel, bil, bel, sil, sel, condil, condel, contractile, contractel, débile, débelle, décile, décelle, difficile, difficile, distille, distel, effil, effel, épil, épel, est-il, est-elle, exil, excel, futile, futel, gil, gel, grill, grêle, hostile, hostel, désil, désèle, infantile, infantel, kill, quel, labile, labelle, missile, micelle, mutile, mutelle, péristyle, péristelle, pile, pelle, pistil, pistel, pontil, pontel, préhensile, préhenselle, presqu'il, presqu'elle, projectile, projectel, pulsatile, pulsatelle, rétractile, rétractelle, rutile, rutelle, servile, cervelle, sexapile, sexapelle, sibylle, sibelle, style, stèle, utile, une telle, ventile, ventelle, versatile, versatelle, vibratile, vibratelle, volatile, volatelle, elle, ils, aileront, ils l'auront, élevé, ils levaient, elf, hilf, elle-même, il-même, hellénique, hellénique, helvète, ilvète, LSD, il-lsd, SL, SIL, antigel, antigil, antisexuel, antisexuel, artificiel, artificiel, adel, a-t-il, auquel, auquil, hôtel, hôte-t-il, babel, babil, belle, bill, campanelle, campanile, castel, castile, sel, sil, cervelle, servile, ciselle, cisine, civelle, civile, cocktail, cocktail, contrapel, contrapile, décelle, décile, décervelle, desserville, déficelle, déficile, démêle, démile, demi-celle, demi-cile, desquels, desquils, duel, d'huile, duquel, duquil, en mêle, en mille, entremêle, entremille, échelle, échille, épelle, épile, fêle, fil, gratte-ciel, gratte-ciel, grêle, grille, hôtel, hôtel, jartel, jartil, label, label, listel, listil, bordel, bordel, mifiel, mifiel, micel, missile, ministériel, ministériel, micel, missile, mzel, mzil, mortel, mortil, musel, musil, nivelle, niville, pastel, pastille, pelle, pile, quel, qu'il, résiduel, résidu d'huile, sautel, sautil, sel, cil, sensuel, sans huile, séquel, séquil, substantiel, ustensile, tavel, tavil, tournelle, tournelle, tutelle, tutile, vieille, vieille, acétylène, acétylène, annihila, annihila, annihilant, annihilant, assimila, assimila, assimilé, assimilé, assimilé, assimilé, axillaire, accélère, belé, bilan, bélan, quand il aime, quand elle aime, sent-il, sent-elle, chimie, jelly, silice, silice, sil, sel, cylindre, cylindre, deal, tel, delay, délai, dealer, dealer, débilement, débellement, difficile, difficile, dilata, délata, dilate, délate, dilaté, délaté, dilatoire, délatoire, dilection, délection, diligent, délégeant, diluré, déluré, distillé, ditélé, distillant, Disneyland, distille, distel, dixilant, dixelant, effila, effela, effila, effelant. Exilé, excellé, exil, excel, feeling, féline, fil, feld, filafil, falafel, fila, fela, filet, feller, filament, felament, filet, fêlé, filamoin, felamoin, filera, felera, fileron, feleron, filetage, feletage, fileté, feleté, fileur, feleur, filiforme, feléforme, filin, félin, filmage, filmage, filon, félon, filtrant, feltrant, filtré, feletré, gil, gel, gilet, gelé, giletière, geletière, habile, Abel, Hilaire, Heller, Kilbus, Kelbus, Killer, Keller, Kilo, Kelo, Méthyl, Métel, Milon, Mélon, Milou, Mélour, Milice, Mélice. milieu, milieu, milli, milli, millière, millière, millier, millier, million, million, milloin, milloin, mutila, nutella, philharmonie, philharmonie, philhomme, philhomme, pilet, pellet, piloche, péloche, pilon, pelon, projectile, projectile, refilé, refilé, semi-lunaire, semi-lunaire, sibilant, sibellon, sibyl, sibelle, silence, silence, silène, silène, silex, silex, silis, silis, silicone, silicone, silium, silium, silo, silo, aussi, sel, similor, similor, stérile, stérèse, stylé, stélé, stylisa, stélisa, stylise, non stélise, stylo, stélo, sil, self, sylphide, sylvide, sylvain, sylvain, tactile, tactel, tactilement, tactellement, tequila, tequila, thriller, trailer, tranquillement, tranquillement, tranquillise, tranquillise, trilatéral, trilatéral, trillion, tréléon, trilobé, trélobé, tucilage, tucellage, vilain, félin, village, félage, bélan, bilan, cella, silla, décrélois, décrélois, delta, dita, démantèle, démantile, démêlant, démilant, démêle, démile, démêlions, démilions, décelant, décelant, décelant, décelant, duel, duel, épilation, épilation, félon, filon, fer, fil, folie, file, fellation, fellation, fielle, file, fielle, file, LSD, LSD, mela, mila, melon, milan, melas, milas, melba, milba, melier, millier, melion, million, melon, milon, melaldoi, miladoi, melatoi, milatoi, parabellum, parabilum, sellage, silage, selle, sile, sellement, silement, archipel, archipil, archipel, archipil, archipel, archipil.